Merci. Merci. Souplesse bouche sous pour moi. Tout moment ça y'a manqué moi. choses avant d'être dit avec Michael. Mes amis, c'est pas du scénario. Écoutez-moi, petit chéri. Cap tout dit mille tempis. L'entendre musique, ça n'a radio. Just money, que c'est pour ma flow. Dis-moi pour qui nous pas parler, pour qui ou pas me fréquenter moi. Est-ce que la cause a pour tout temps? Bien c'est pour yon petit moment. Est-ce que ou j'amande pour moi? Est-ce que ou pour qui j'am senti moi? Mais pas même qu'à parler de vous. Chaque matin me lever moi, penser à vous. Oh ton bébé, oh ton bébé. C'est vrai, m'tende ça, mon abdi. Mais pas penser que moi vin aigri. Yo met parler tout ça, yo vle. L'amour sa pape, j'en m'efface. C'est moi, avec celle qui connaît. Tout sorte représenté pour moi. Pour ces plus belles inspirations. Qui est bon Dieu pour moi sans hésitation. Baby, tell me what to do. Pour moi, répondre, vie moi. Malgré tout ça, yo dis-moi. Oh chérie, musique ça sorti en enquête. I just wanna let you know. Ou c'est celle femme qui moi aimé. Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin kon fè l'amour. Tout ça m'te kon mande ou c'est pour kembe. Pour tous vos événements, Mix Live, musique et lumière, mix avec un E, live.fr. C'est un coup de bali. Mais tu sembles, ces choses pas là avec toi. L'idée ou pas, j'en connais qui l'est. You n'as fini de chéri, faisons la route ensemble. C'est ça le souhaiter. L'amour, oulou, oulou. Belle, belle, chérie, ça, divine, a tout ça. Quoi ça pas quoi ça peut pas vous ça. Sinon c'est où la la la la la ça. Belle, belle, tu sais où ça. Vivine, y a tout ça. Quoi ça pas quoi ça peut pas vous ça. Sinon c'est où la la la la la ça. Même où n'y a. Oui même où n'y a. Divine, y a tout ça. Quoi ça pas quoi ça, mais pas où vous ça. Sinon c'est ça, la la la la ça. Belle, belle, tu sais où ça. Divine, y a tout ça. Quoi ça pas quoi ça, mais pas où vous ça. Sinon c'est où ça, la la la la ça. Yo, well, well. Yo, Marquette. Famille nous yo, qui t'es été monté niveau, qui t'es mal nouveau. Aquí está Zengre. Everybody get up and listen. It's all about compa today. So if you don't have a partner, you need to grab a chair. Yeah, we can dance floor right now. Your baby fait original. Analga de Mazel Gabio. Analguina Black, yo. Todo el mundo atención, por favor. Esta es el día más grande social. Para nosotros hay llanto. Un día de celebración. Celebración de nuestro ritmo. El ritmo que tiene cariño. El ritmo en mi corazón. Y su nombre es Compa. Ay, ay, ay, ay. Compa tiene mucho sabor. A todo el mundo le gusta. Vámonos, mi amor, a bailar. Este ritmo rico y suave. Oh, oh, oh. La fuente de toda ilusión, todo el Caribe y fe. ¡Viva el Compa! ¡Atención! ¡César! ¡Voy! ¡Compa, compa, compa, compa, eh! ¡Segle Windu! ¡Lifetime Guarantee! Gozar, sabes que te quiero, te adoro. Compa es un ritmo rico y suave. Canada, relé, New York City, relé, Miami, crié là. Compa, c'est ça. Depuis Zengré maté. Compa, c'est ça. Compa, c'est ça. Depuis frère chanté. Compa, c'est ça. Ha! Gardez nos petits garçons. Oui, compa, ça. Faut qu'on y appelle pour y'a pas famille. Parce que toi, loup, pour pas jouer. Ha ha! Sous quoi, Mati? Mande, Romy. Sobre todo, Qui choisit ensemble nos mêmes mouvements là,